se croiser dans la rue au supermarché. En un regard, une parole, tu tomberais dingue, amoureuse folle. Et t'as préféré le platine, les cocktails, les soirées mondaines, un grand palais, des limousines et l'UMP. Ça me fout la haine. Si tu cherches un homme taille normale, moi ça pourrait m'intéresser. Je te ferai l'amour comme un cheval. Enfin tu vois, pas un poney. Car tu n'es pas comme lui, car il est très méchant, car c'est de la folie, car la venture nous attend. Je t'obligerai pas à acquiescer, tu suivras pas comme un mouton. Tu pourras dire merde JT et enfin porter des talons. Je te traiterai en vraie princesse, pas en marionnette à deux balles. Tu seras jamais plus un prétexte, ce sera l'amour, le véritable. Si tu cherches un homme taille normale, être avec toi, moi, ça me dirait. Pour changer, il faudrait un mal. Enfin, tu vois, je veux dire un vrai. Car tu n'es pas comme lui, car il est très méchant, car c'est de la folie, car la venture nous. Car tu n'es pas comme lui, car il est très méchant, car c'est de la folie, car la venture nous attend. C'est qu'il rentre tard le soir, et souvent tu pousses un soupir. Tu ferais mieux de venir me voir, il te reste tant de choses à découvrir. J'achèterai des diadèmes plastiques et plein de colliers de bonbons. Y'a plus que ton chien qui aura des tics. Faut juste lui dire casse-toi, pauvre con. Si tu cherches un homme taille normale, y'a pas de soucis, tu peux m'appeler ou bien m'envoyer un email. Et je viens te chercher à l'Élysée. Car tu n'es pas comme lui, car il est très méchant, car c'est de la folie, car la venture nous. Car tu n'es pas comme lui, car il est très méchant, car c'est de la folie, car la venture nous attend. Car c'est de la folie, car la venture nous attend.